Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Je voudrais que nous lisions quelques versets dans le chapitre premier du livre de Daniel et ensuite nous lirons aussi quelques versets dans le dernier chapitre parce que ce sont deux chapitres qu'il faut mettre en parallèle pour que nous puissions comprendre quelle est l'intention de l'auteur quand il a écrit ce livre. La troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Déarpénas, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur imposa des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Hanania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Éved Nego. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement de toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Et maintenant, quelques versets, si vous le voulez bien, à la fin du chapitre 12 du livre du prophète Daniel. Verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. » Verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas. Je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements ? Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Beaucoup alors seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Le livre de Daniel occupe une place privilégiée dans l'Écriture. C'est un livre unique, c'est un livre exceptionnel. Et comme je vous l'ai dit hier très brièvement, en commençant, en introduisant ce séminaire, c'est un livre qui sert de trame à l'ensemble du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, et plus particulièrement les Évangiles et l'Apocalypse, se réfèrent constamment à ce livre de Daniel. Le livre de Daniel est considéré par la tradition chrétienne comme faisant partie de ce que l'on appelle les 4 grands prophètes. Ces 4 grands prophètes étant Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Les 12 autres prophètes étant considérés comme des petits prophètes. Petits peut-être pas par l'importance de la révélation qui a été donnée, mais tout simplement parce que ils ont écrit des livres qui sont beaucoup plus longs que ce que l'on appelle les petits prophètes. Or, dans la tradition juive, Daniel n'est pas considéré comme étant un livre prophétique, mais il fait partie de ce que l'on appelle les livres de la sagesse, ou plus exactement, on appelle ça dans la tradition chrétienne les hagiographes, les écrits, c'est-à-dire ce qui n'appartient ni à la Torah, ni aux prophètes. Et nous allons voir que cette distinction n'est pas sans importance. Daniel le livre de Daniel n'est pas véritablement un livre prophétique au sens où nous l'entendons, ou du moins où la parole de Dieu l'entend. Ceux qui étaient avec nous l'an dernier, plus exactement, j'ai eu l'occasion, me semble-t-il, d'expliquer ce qu'étaient les prophètes. Nous étions interrogés sur ce texte, ou cette parole, cette question que l'apôtre Paul adresse au roi Agrippas, « Crois-tu au prophète roi Agrippas ?» Et nous avions précisé que, contrairement à ce que la sagesse populaire pense, les prophètes ne sont pas des espèces de Madame Soleil, des diseurs de bonne aventure. Le prophète n'est pas d'abord quelqu'un qui annonce l'avenir. Et le prophète est quelqu'un qui met en garde le peuple de Dieu contre les conséquences éventuelles de ses actes bons ou mauvais. Ça veut dire qu'il n'y a rien de déterminé d'avance. Le prophète dit en gros ceci, si vous continuez comme vous le faites, si vous continuez à servir les idoles, à pratiquer les coutumes des nations et à ne pas prendre au sérieux ma Torah, voilà ce qui va arriver. Si vous continuez dans cette voie-là, Jérusalem sera détruite, le temple sera rasé et vous serez déportés loin de votre pays. C'est pourquoi repentez-vous, revenez de votre mauvaise voie. Et le mot clé du message des prophètes, c'est justement le mot « repentez-vous ». Repentez-vous de votre mauvaise voie. Prenez au sérieux les commandements que je vous ai donnés. Et tout ce qui serait susceptible d'arriver, tous les malheurs qui seraient susceptibles d'arriver, n'arriveront pas. Et quand le prophète annonce des prophéties de malheur, c'est pour qu'elles n'arrivent pas. Le meilleur exemple de cette situation est celle qui nous est rappelée dans ce petit livre prophétique très spécial qu'est le livre du prophète Jonas, lequel Jonas est envoyé par Dieu à Ninive avec un message très dur et sans appel. Encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est décidé, c'est déterminé, il n'y a rien à faire, c'est comme ça que ça va se passer. Et lorsque Ninive, et plus particulièrement le roi de Ninive, entend cette parole, il dit, eh bien, publions un jeûne. Et que chaque habitant de Ninive revienne de sa mauvaise voie. Et le mot-clé du livre, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres livres prophétiques, le mot-clé, finalement, du message des prophètes tout entier, c'est « qui sait ?». Dieu a annoncé ses malheurs. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Mais peut-être que si nous nous repentons, Dieu aura miséricorde. Et l'on sait, en lisant la suite du livre du prophète Jonas, que c'est exactement ce qui se passe. En fin de compte, Ninive n'est pas détruite. Au grand dam de Jonas, qui se plaint amèrement à Dieu, dit « Mais Seigneur, tu m'as envoyé avec ce message, encore 40 jours et Ninive est détruite, et Ninive n'est pas détruite au bout de 40 jours ? De quoi j'ai l'air, moi ? D'un faux prophète ? Non, pas du tout. D'un vrai prophète, qui a atteint son but, qui a atteint sa mission. Dieu a regretté le mal qu'il voulait faire, et il ne l'a pas fait. Ça, c'est typique du message des prophètes. À côté des prophètes, nous avons un autre genre littéraire dont le livre du prophète Daniel est le seul exemplaire dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire que moi j'appelle l'Écriture, c'est ce que l'on appelle l'Apocalypse. Le livre de Daniel n'est pas à proprement un livre prophétique, c'est un livre apocalyptique. Et bien sûr, quand nous parlons d'Apocalypse, nous faisons aussi référence à un autre livre qui, cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, porte ce nom, et qui est l'Apocalypse de Jean. Dans l'ensemble de la Bible, alors que nous avons de très nombreux livres prophétiques, nous n'avons que deux livres apocalyptiques, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse de Jean. Ces deux livres, nous aurons l'occasion de le voir, sont étroitement liés. On ne peut pas lire l'un sans l'autre. Et notamment l'Apocalypse de Jean se réfère constamment au livre de Daniel. On pourrait même dire que l'Apocalypse de Jean n'est rien d'autre qu'une explication du livre de Daniel. C'est pourquoi il nous faut lire le livre de Daniel à la lumière du livre de l'Apocalypse. Vous allez me dire, ça ne va peut-être pas nous aider beaucoup, parce que quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours très clair. Bon, n'anticipons pas. Comme on dit en hébreu, léat, léat. Allons un pas après l'autre. Alors, je voudrais maintenant revenir sur cette différence entre Apocalypse et prophétie. La prophétie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas régi par un déterminisme fixe. Ça veut dire, un petit peu comme dans l'islam, où il y a cette expression « mektoub », c'est écrit. Ça doit arriver. Tout ce qui arrive était prédéterminé d'avance. Dieu est un super ordinateur qui a tout codé. Et si je sors de ce lieu, je glisse sur une peau de banane, je me casse la jambe, c'est parce que Dieu l'avait déterminé de toute éternité. Ça, c'est contraire à l'esprit de la Bible. Encore une fois, Dieu laisse à l'homme une immense part de liberté. Dieu adapte sa conduite à celle de l'homme. Il adapte sa conduite au choix que l'homme a fait librement. Sauf, et c'est là la différence entre prophétie et apocalypse, lorsque nous arrivons au temps de la fin. Alors que les prophètes font aussi souvent allusion au temps de la fin, mais ils font aussi souvent allusion à des événements de leur temps. C'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté d'étudier la prophétie, c'est de savoir faire la différence entre ce qui concernait l'époque du prophète et ce qui concerne le temps de la fin. Par contre, l'Apocalypse ne concerne que le temps de la fin. Et alors qu'on pourrait dire que la prophétie a une approche plutôt optimiste des choses, c'est vrai que les choses vont mal, c'est vrai que la conduite du peuple est mauvaise, mais tout n'est pas perdu. S'il y a repentance, encore une fois, tout peut changer. Les prophètes ont néanmoins annoncé que si le peuple continuait à s'endurcir, il viendrait un temps où l'on aurait passé un point de non-retour. Vous savez ce que c'est qu'un point de non-retour? C'est un terme en usage dans l'aviation. Ça veut dire que quand un avion a dépassé une certaine distance à partir de son point de départ, si il a un problème, il ne peut plus revenir à son point de départ. Il est obligé d'aller en avant. Et dans le déroulement des événements prophétiques, si le peuple a passé une certaine limite, il arrive un temps où tout retour en arrière est devenu impossible. Toute repentance est devenue impossible. Le premier exemple que nous avons de cette situation, c'est celui du Pharaon en Égypte. Quand il nous est dit que, après avoir endurci son cœur, après avoir résisté à la parole de Dieu, qui lui demandait de laisser partir le peuple, le Pharaon, on peut dire, a brûlé tous les feux rouges, les uns après les autres, tous ces feux rouges que Dieu avait placés sur sa route. Et à un certain moment du récit de l'Exode, il nous est dit « Dieu endurcit le cœur du Pharaon ». Jusqu'alors, il était dit « le Pharaon endurcit son cœur. Et soudain, il y a un tournant dans l'histoire du Pharaon. C'est Dieu qui endurcit son cœur. Là, le point de non-retour est atteint. Est arrivé un stade où le Pharaon ne peut plus revenir en arrière et le jugement de Dieu est devenu inévitable. Et là, il peut y avoir un déterminisme. Nous avons une idée semblable dans le deuxième livre des Chroniques, où il nous est dit qu'après le règne, le très long règne, du roi Ménaché, qui fut le roi le plus impie, le plus mauvais de tous les rois de Juda. Il imita, nous est-il dit, les abominations que l'Éternel avait chassées devant le peuple, des nations que l'Éternel avait chassées devant le peuple d'Israël. Il alla même jusqu'à faire passer son fils et sa fille par le feu en l'honneur du Moloch, ce qui est la pire des abominations que les nations pouvaient commettre aux yeux de Dieu. Dieu, nous est-il dit, envoya des prophètes dès le matin pour avertir le peuple, pour qu'il revienne de sa mauvaise voie. Et le roi ne voulut pas entendre le message de ses prophètes. Alors, nous dit le livre des Chroniques, la colère de l'Éternel devint sans remède. Ça veut dire un point de non-retour a été dépassé. Après avoir négligé l'appel des prophètes qui appelaient à la repentance pendant des générations et pendant des siècles, le peuple d'Israël est arrivé à un stade d'endurcissement de cœur semblable à celui du Pharaon, où toute repentance véritable était devenue impossible. Or, il est très intéressant de constater qu'après le règne de Ménaché, il y a eu, au contraire, le règne d'un roi qui fut le meilleur des rois de Juda qui régnait sur le pays, à l'exception de David. Ce roi se nommait Josias. Et la Bible nous dit qu'il n'y eut aucun roi qui chercha l'Éternel, qui revint à l'Éternel de tout son cœur, comme l'avait fait Josias. Et Josias rétablit le culte de l'Éternel dans tout ce qui avait été ordonné par Dieu. Il invite le peuple à rechercher l'Éternel de tout son cœur. Et quand on découvre dans le temple le livre de la Torah du Seigneur, qu'on le lit devant le roi et devant le peuple, et que le roi se rend compte que la colère de l'Éternel est enflammée contre le peuple parce qu'on n'a pas mis en pratique ce qui avait été ordonné par Dieu, le roi consulte une prophétesse qui s'appelle Hulda, et cette prophétesse lui dit « Parce que tu as eu à cœur de me chercher, je ne ferai pas venir le malheur dont j'ai parlé pendant ta vie, mais après toi, les catastrophes annoncées arriveront à coup sûr. » Alors on peut s'étonner, mais on se dit « Mais pourtant, ce roi a cherché l'Éternel de tout son cœur. Il a amené une réforme spirituelle en Juda comme il n'y en avait jamais eu depuis l'époque de David. » Oui, mais cette repentance, pas celle du roi, mais la repentance du peuple, était une repentance superficielle. Le roi Ménaché avait entraîné le peuple tellement loin dans le péché que même un roi aussi pieux que Josias n'a pas pu ramener le peuple d'Israël dans les voies de Dieu. Et la colère de Dieu a été sans remède. Et là, nous venons justement à cette différence entre prophétie et apocalypse. L'apocalypse se situe dans un temps où les hommes ont dépassé la limite, où ils n'ont pas pris garde aux avertissements du Seigneur. Ce temps, le livre de Daniel le commente abondamment. Et en hébreu, on appelle ça, c'est le prophète qui l'emploie, et tsara, un temps de détresse. Un temps de détresse où il nous est dit, les pécheurs auront comblé la mesure. Cette idée de combler la mesure, c'est aussi l'idée d'avoir passé ce point de non-retour que nous avons évoqué. C'était aussi la raison pour laquelle Sodome a été détruite, parce que les Sodomites, malgré la prière d'Abraham, avaient dépassé la mesure de telle sorte qu'il n'y avait même pas d'injuste à Sodome. Et les Apocalypses, que ce soit celle de Daniel ou que ce soit celle de Jean, nous parlent d'un temps qui va être qualifié par le Nouveau Testament d'apostasia. C'est la traduction de cette expression. C'est-à-dire un temps où on abandonne les voies de Dieu. Apostasia, en grec, ça veut dire abandonner quelque chose. Et s'endurcir dans le mal. L'apostasie, longuement décrite notamment par l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, l'apostasie est ce temps où les hommes se sont tellement endurcis dans le mal, ils se sont tellement avancés dans la révolte contre Dieu, qu'ils deviennent insensibles à la parole de Dieu. Ils deviennent insensibles à l'action de l'Esprit de Dieu. Comme c'était le cas aussi pour la génération de Noé, les hommes ont les pensées tournées vers le mal depuis leur jeunesse et ne sont même plus capables d'entendre la voix de Dieu. Alors, voyez-vous, on pourrait dire, mais c'est une vision très pessimiste que celle-là. Si effectivement, les hommes ont dépassé la limite, si effectivement nous sommes dans un temps où il n'y a plus de possibilité non pas de se repentir, parce que cette possibilité au niveau de quelques individus elle est toujours possible, mais en tout cas la grande masse est arrivée à avancer tellement dans le mal qu'une véritable repentance est impossible, alors le jugement de Dieu devient inévitable. Le jugement de Dieu devient irréversible. Et l'on entre dans une période spéciale que la tradition juive, reprenant notamment le livre de Daniel et d'autres apocalypses dont nous aurons l'occasion de parler, appelle Yisure Mashiach ou révélé Mashiach. Ça veut dire exactement la même chose, les souffrances de l'enfantement messianique. Un etzara, un temps de détresse. Un temps de détresse qui sera caractérisé par des jugements de Dieu, jugements semblables à ceux qui se sont abattus sur le Pharaon en Égypte quand lui et son peuple avaient endurci leur cœur. Et par conséquent, alors que dans la prophétie, comme nous l'avons dit, il n'y avait rien d'irréversible, il n'y avait rien de déterminé, dans l'Apocalypse, au contraire, il y a un déterminisme. Les jugements de Dieu sont irréversibles, ils sont irrémédiables et ils sont décrits minutieusement étape après étape et rien ne va pouvoir changer ce cours des événements, non pas parce que Dieu l'a codé comme un super ordinateur, mais tout simplement parce que l'endurcissement des hommes et leur incapacité de revenir de leur mauvaise voie rend ce schéma, rend ce processus absolument inévitable. Pessimisme ? Non. Au contraire, formidable optimisme. Parce que de ces jugements mêmes, de ce retour au chaos, parce que c'est cela dont il s'agit, va sortir un monde nouveau. Et l'Apocalypse, que ce soit celle de Daniel ou que ce soit celle de Jean, a une visée tout à fait positive, c'est que du chaos primitif, de celui qui était au commencement, quand il nous est dit dans le livre de la Genèse qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, est sorti le monde que le Créateur a façonné. Le temps de la fin. Ce temps qui sera marqué par un retour au chaos, parce que les lois de Dieu seront battues en brèche. Cette idée de loi de Dieu battue en brèche, vous la retrouvez aussi dans le discours de Jésus sur la montagne, le sermon sur la montagne, quand il dit Celui qui touche au moindre de ses commandements touche au fondement du monde. Car le ciel et la terre ne peuvent subsister qu'à partir des commandements de Dieu, que basés sur les commandements de Dieu. Il ne disparaîtra pas, dit Jésus, un seul iota, un seul trait de l'être de toute cette Torah jusqu'à ce que tout soit accompli. Et Jésus ici se réfère à une tradition qui est exposée dans le judaïsme de son temps, à savoir que Dieu a construit le monde à partir de la Torah. Ce que nous disent d'ailleurs les physiciens modernes. Ils nous disent qu'avant le Big Bang, qu'avant l'instant zéro, il y avait déjà tout le plan du monde qui existait quelque part dans une super intelligence. Et par conséquent, qui touche au commandement de la Torah touche à l'ordre du monde, au déroulement, au bon déroulement du monde. Et si précisément le monde de la fin, selon les apocalypses, retourne au chaos, c'est parce que les hommes de la fin des temps auront remis en cause les commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps où, comme le disait les gens de mai 68, il est interdit d'interdire, et où par conséquent tout ce qui est loi, ce qui est ordre, ce qui est discipline est remis en cause. Nous en voyons aujourd'hui les résultats, c'est-à-dire que nous revenons au chaos. Et quand on revient au chaos, on revient à ce qui a suivi l'instant zéro de la création. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tout était tohu vavohu, sans ordre, sans forme. Et l'Esprit de l'Éternel reposait au-dessus des eaux. Et de ce chaos, Dieu a fait sortir un monde merveilleux. Un monde qu'il a qualifié de très bon. Et ce monde, les hommes l'ont ramené au chaos à la fin de leur histoire. Mais quand ce monde va retourner au chaos, Dieu va à nouveau dire qu'il y ait de la lumière. Et de ce chaos, de ce monde qui aura été détruit par le péché des hommes, sortira, comme le dit l'apôtre Pierre, un monde nouveau où la justice habitera. Et le mot clé de l'Apocalypse est celui-ci, « Je fais toute chose nouvelle ». Dieu crée de ce chaos une terre nouvelle et un ciel nouveau où la justice habitera. Une création nouvelle qui ne portera plus les marques de cette révolte. Et pour que cette création nouvelle soit possible, il faut que toute la source de révolte qui a entraîné la fin de l'ancien monde, qui aura entraîné la fin de l'ancien monde, soit éliminée. Et pour cela, il faut un jugement. Un jugement, ça se dit en grec « krisis », ça veut dire littéralement une séparation. La première création a été aussi une séparation. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a séparé le ciel, les eaux qui sont en haut des eaux qui sont en bas. Puis il a séparé ensuite les eaux du sec, etc. Il a créé ensuite les plantes, les animaux selon leur espèce. Notre frère nous en a parlé tout à l'heure. Il a créé ensuite l'homme et la femme, mâle et femelle, etc. Donc Dieu crée toutes choses pour un but avec une spécificité propre. Dieu sépare. Le jugement, c'est une séparation. Au temps de la fin, le chaos qui est précisément le retour à cette confusion, Dieu va séparer les ténèbres d'avec la lumière. Dieu va séparer le bien d'avec le mal et Dieu va éliminer tout ce qui est ténèbre, tout ce qui pourrait porter atteinte à cette création. Et c'est le thème du grand jugement, le jugement dernier. Ce jugement qui est au centre justement des apocalypses. Le temps de la fin, le temps de l'Apocalypse est le temps d'un jugement. c'est-à-dire deux notions. Un temps où ce qui était en germe arrive à sa maturité. Et par conséquent, on ne peut plus se tromper sur l'identité de chacun. Vous retrouvez aussi cette idée dans l'Apocalypse de Jean, que celui qui est saint se sanctifie encore, et que celui qui est souillé se souille encore, pour que l'on sache exactement au temps de la fin qui est qui. Et par conséquent, le jugement sera sans appel. La séparation sera sans appel. Jean-Baptiste, parlant de ce jugement décrit par Daniel, décrivait cela comme un feu, on trouve ça dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, nous y reviendrons, un fleuve de feu sortait de devant sa face. Et Jean-Baptiste disait, il a son vanne à la main, il nettoiera son air, il engrangera le blé dans les greniers et la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas, ce feu qui a été décrit par le prophète Daniel dans le chapitre 7 auquel j'ai fait justement allusion. Je voudrais ici terminer simplement avec rapidement une dernière pensée. Donc, le livre de Daniel est une apocalypse. Et l'apocalypse appartient non pas au genre prophétique, mais au genre de ce que l'on appelle la sagesse. Quand nous parlons de sagesse, ce n'est pas du tout la sagesse des Grecs, la philosophie, l'intelligence humaine. Cette sagesse-là, elle est totalement étrangère à la conception biblique et à la conception hébraïque. Le sage, et c'est précisément le prophète qui nous le dit, ou plutôt Daniel qui nous le dit dans le chapitre 2 de son livre, verset 22, verset 21 déjà, « À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, car c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. » Pourquoi le livre de Daniel appartient-il non pas au genre prophétique et plutôt à celui de la sagesse, c'est-à-dire comme les proverbes, comme les psaumes, comme l'Ecclésiaste, comme le Cantique des Cantiques et d'autres livres semblables? Parce que il renferme une sagesse mystérieuse, cachée, que Dieu a révélée par l'Esprit. Et c'est le sens du mot apocalypse. Apocalypse, en grec, signifie apokalypsis, ça signifie une révélation. Et ça traduit le mot hébreu idgalut, qui a la même signification, c'est-à-dire dévoilement. Il met en lumière les choses cachées. Il y a, dans les secrets des choses dernières, des réalités qui sont voilées, qui sont cachées, que l'homme est incapable de saisir par sa propre intelligence. Quand bien même serait-il le plus intelligent des hommes, la sagesse infinie de Dieu, cette sagesse mystérieuse et cachée, l'être humain est incapable, livré à lui-même, de la comprendre. Il a besoin d'une révélation de Dieu. Et pour cela, il a besoin d'être un sage, non pas selon les critères des hommes, mais un sage selon ce que la Bible entend par sage. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, l'apôtre Paul oppose ces deux types de sagesse. Il dit ceci, « Les Juifs cherchent des miracles et les Grecs demandent de la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ et Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, pour les païens. Et pourtant, puissance et sagesse de Dieu. » Ça veut dire que l'homme comme le dira l'apôtre, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. L'homme naturel, livré à sa propre intelligence, ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui, dit-il. Et pourtant, dit l'apôtre, c'est une sagesse que nous prêchons. Sagesse qu'aucun des sages de ce monde n'a connue, car s'ils avaient connu cette sagesse-là, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà la définition du sage, tel que Daniel l'était. Daniel n'est pas un sage parce qu'il avait cette sagesse des Chaldéens dont il nous est parlé. Ça aussi, il l'avait. Mais c'est pas cela qui faisait de lui un sage. Mais parce qu'il avait cette sagesse mystérieuse et cachée que Dieu a réservée pour ceux qui l'aiment. Et toutes ces choses lui ont été révélées par l'Esprit, d'où le nom d'Apocalypse. Daniel est un sage comme l'était Joseph, qui lui aussi était capable de connaître par la révélation de Dieu des choses que l'homme naturel était incapable de connaître et incapable de réaliser, notamment en ce qui concernait les songes du Pharaon qui ont permis de sauver la vie à un peuple nombreux. Daniel et Joseph appartiennent à la même catégorie des sages. Et c'est la raison pour laquelle la révélation qui est la leur appartient au style de la sagesse et non pas de la prophétie. La prophétie est accessible à tous, la sagesse ne l'est pas. Car non seulement, pour pouvoir connaître ces secrets de Dieu, comme le dira le livre des Proverbes, le secret de l'Éternel est pour ceux qui l'aiment. Il n'est pas donné à tous de connaître ces choses. Il faut avoir une relation particulière avec Dieu. Et le texte que l'apôtre Paul cite, il a deux acceptions. Dieu les a préservées, les a gardées, ces choses, les a mises en réserve pour les révéler à ceux qui l'aiment et ou encore à ceux qui le craignent. Il y a donc deux conditions indispensables pour être l'objet et pour pouvoir comprendre ces choses qui autrement sont une folie pour l'homme, craindre Dieu et l'aimer. Je voudrais terminer par un texte que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13. Car il faut savoir que les paraboles de Jésus appartiennent aussi à la littérature de la sagesse, et plus particulièrement au style apocalyptique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le thème de la parabole, toutes les paraboles de Jésus, elles touchent toutes à la venue du royaume. Et souvent, quand vous lisez des paraboles de Jésus, elles commencent par cette expression « Le royaume des cieux est semblable à ». Le royaume des cieux, ou royaume de Dieu, c'est une notion que vous trouvez dans le livre de Daniel. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le royaume, les royaumes de ce monde vont être donnés au peuple des saints du Très-Haut, nous dit le chapitre 7 de Daniel. Jésus prêchait la venue du royaume, ça veut dire la venue de ce royaume qui avait été annoncé par Daniel, ça veut dire ce temps où le Seigneur régnerait par sa toute-puissance, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et le thème des paraboles, c'est la venue du royaume, ça veut dire la venue des réalités dernières. Ça veut dire que chaque parabole, pour parler ainsi, est une petite apocalypse. Chaque parabole nous renvoie à ces choses dernières qui ont été annoncées, notamment par le prophète Daniel. Et dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, après avoir donné cette fameuse parabole, qui est peut-être la plus célèbre de toutes, la parabole du semeur, les disciples s'approchent de Jésus, verset 10, et lui disent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Jésus lui répondit, « Parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et à eux, cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez bien, vous ne comprendrez pas, vous regarderez bien et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Livre de Daniel, un livre difficile, un livre voilé, un livre scellé, un livre qui contient des mystères. À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, à eux. Cela ne leur a pas été donné. Et quand nous voulons nous approcher de ce livre, il faut que nous sondions notre cœur. Est-ce que nous nous approchons de ce livre avec une curiosité humaine pour essayer de connaître les choses de l'avenir parce que ça nous donne une certaine sécurité, parce que ça nous donne un certain avantage sur ceux qui ne savent pas, ou pour toute autre motivation du même genre? Ou bien est-ce que nous approchons de ce livre parce que nous avons la crainte de Dieu et parce que nous avons l'amour de Dieu dans le cœur? Si nous nous approchons de ce livre selon la première démarche que j'évoquais, alors ces choses nous paraîtront une folie, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais si nous approchons du Seigneur avec la sainte crainte qui lui est due, avec l'amour qu'il réclame de nous, il dira, à vous, il vous a été donné de connaître les choses du royaume de Dieu, les mystères du royaume de Dieu, à eux cela ne leur a pas été donné. Heureux vos yeux s'ils voient et vos oreilles si elles entendent. Et c'est notre attitude. Nous allons nous approcher de ce livre dans la prière, en disant, Seigneur, dispose nos cœurs. Crée en nous, comme le disait David, un cœur pur et un esprit bien disposé. Conduis, comme le disait le psalmiste, un sage lui aussi, nos cœurs à la crainte de ton nom, à la crainte de ta parole et à l'amour de ton nom, pour que ces choses qui ont été voilées aux yeux des autres puissent être dévoilées à nos yeux, non pas parce que nous serons meilleurs que les autres, plus sages ou plus intelligents, mais parce qu'il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les choses cachées, non pas pour que nous ayons la possibilité de satisfaire une vaine curiosité, mais pour que nous ayons la possibilité d'être de ceux qui servent le Seigneur encore mieux dans ces temps qui sont les temps de la fin, et que nous conduisions dans ces temps de la fin avec sagesse, comme les vierges sages de la parabole qui, elles aussi, étaient dans l'attente du royaume qui venait. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com